bouffe. Dans Gioia mandame giocu, panaglia d'ora giota e. Oui, alors on mange. On mange dans le bonbon dans la bouche, ouais. T'as pas le droit, ah. Oh, si c'est un caramba, t'as le droit. Ouais. Toi, ah, ouais. Moi, je préfère les batna. Tu sais, c'est caramel et réglisse. Bon, bah, pendant qu'on parle petite douceur, on peut aussi annoncer que nous sommes au numéro 333 de Pyongyang City Rockers. C'est fou. Avec ce soir, The Equipe, Jamo. Yo, oi. Yo, oi. Putain, c'est bien ça. Tu fais tout, toi. Verlan et Alain, ouais. Normal. Ouais. Cette douce voix, c'est celle de Gaël. Yo. Et puis il y a Célia. Salut. Coucou. Attends, je veux plus fort parce que tu Moi, ouais, je parle pas assez fort. Ouais. Ou alors c'est le bordel qui est devant le micro qui empêche. Et puis toujours derrière moi, notre éminence grise, notre directeur spirituel, Manu. Qui rit. Alors, Manu. Et puis normalement devrait apparaître un Ripoll d'ici quelques minutes s'il retrouve le chemin des locaux de campus. Donc Pyongyang, on est reparti jusqu'à 21h pour ce 333e numéro. On m'a demandé, enfin non, il y en a qui ont voulu faire croire qu'on allait parler de zapatisme. Parce que, apparemment. C'est bien ça. Ouais. Il y a pas un flyer qui aurait mis les gens sur la voie. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. C'était il y a 105 ans que Emiliano Zapata a été repassé par quelques sbires à la solde de Carranza. Enfin, son ancien allié, mais qui avait tourné kazakh et puis qui commençait à faire brimer le peuple. Et donc Zapata n'était pas d'accord et donc il a été trucidé. Voilà, avec tous ses compagnons. Et c'est comme ça qu'il est arrivé au statut de gloire posthume, et puis que maintenant, encore plus d'un siècle après, on en parle comme d'un des plus grands révolutionnaires de tous les temps. Voilà. Puis qu'il y avait la fortune de Manu Chao aussi. Oui, voilà, en plus, il faut bien le dire. eux ne parlent pas de Zapata, mais d'ailleurs je ne sais pas quoi. Si, ah oui, si je le sais, mais il faudrait que j'ouvre mon fichier. Qu'est-ce qu'ils disent déjà? Oui, il faut aller. Fugazi, alors oui, c'est pas du tout zapatisme, ils en avaient marre en 90 quand ils ont sorti, je crois, leur premier album, Repeater. Oui, c'est le premier, ça. Nous sommes tous des intolérants, si plein de haine, nous répandons partout notre poison. Styrofoam, par Fugazi. J'ai failli t'en choisir. Fini, hein. Eh ben, t'as plus que. Voilà. C'est Pyongyang City Rockers. Il est 20... Non, il est 19h06. Il faudra vraiment qu'on s'occupe de remettre les pendules à l'heure ici chez le bordel. C'est clair, il y a une heure différente. Non, donc il est 20h. Ouais. Non, parce que sur l'ordinateur, c'est marqué 21h08. Là, il est noté 20h06 et ici, il est noté 19h06. Ouais. Alors, qui croire ? Vous avez le choix. Vous avez le choix. Voilà, c'est ça. Et on... le Radio Campus est tellement libre qu'on est même libre de l'heure qu'on annonce. T'as vu ? Ouais, c'est quand même vu, bon. J'ai vu. Là, c'est pour ceux qui sont en retard. Là, c'est pour ceux qui sont en avance. On va arrêter de dire des trucs comme ça parce que normalement, il ne faut, faut pas parler des problèmes techniques. Et c'est pas un problème l'heure, technique. L'heure, c'est un problème technique. C'est un gros problème technique. Ah, si. Là, c'est okay, ça va, c'est bien, t'as trouvé ? Bah ouais, j'ai trouvé. J'ai passé The Suttles. C'est un groupe parisien qui va du power pop au punk rock de la fin des années 70. Il s'est formé en 2001 avec des membres de Protokids et Periphéric Est. Periphéric Est. Frédéric Guillamo. Ils ont déjà 3 LP à leur actif, un qui est sorti chez Les Disques à Retour et 2 chez Topsy Turvy Records. Leur dernier LP date de 2023, il s'appelle First Stroke et j'ai choisi le morceau Weekend à Lille. Ouais. Morceau qui sonne très périphérique est, hein. Ouais. Comme je disais hors antenne, c'est un morceau qui dénote un peu du reste de l'album, qui est beaucoup plus power pop dans l'esprit. Popesque. Popesque. Ouais. Bon, c'est bien quand c'est un peu mou des fois. Des fois. Moi, c'est le morceau que je préfère en tout cas. La dernière fois qu'on me très bon ça. Choix. C'est ouais, pas parce que cool. C'est un morceau qui s'appelle Weekend à Lille, mais. Qu'est-ce qu'il raconte dans Weekend à Lille ? Parce que moi, je connais pas. Je suis complètement pas ça. Moi, j'écoute la guitare surtout. Okay. Ah ouais. Allez, hier il y a Violent Way, le groupe de Buffalo, qui a sorti un nouveau morceau sur le réseau social à façade rouge, YouTube pour pas le citer. Mais il faut dire quand même que YouTube c'est quand même vachement balèze pour choper de la nouveauté. Et bien, c'est le cas ici. Ce nouveau morceau, Forever Be Unheard, figurera sur un disque qui se nommera Oi, This Is Violent Way. Et ben, Oi, This Is Pyongyang City Rockers on Radio Campus 106.6. Tout de suite, Violent Way. Comme je disais aussi, hors antenne, je dis beaucoup de trucs hors antenne. Oui, oui, on... c'est marrant, on parle. Le groupe au plus sort des productions, au plus j'aime. Ouais. Tu veux les voir bientôt? Ouais. Ouais. Ils jouent au China Strat à Gand. Ouais. Je ne saurais plus dire la date. 19 mai, merci Manu. En compagnie de groupes comme Puffer, qui viennent de Montréal, Rix. Pressure Pact, les Hollandais, Hammers, Crucified et plein d'autres. Il y a tout le line-up sur Shpunk.org. Ouais, je crois qu'il y a une douzaine de groupes, c'est pas ça? Il y a, il y a un gros line-up aussi de gens intéressés, mais apparemment très peu qui ont déjà acheté leur place, ce qui fait que les organisateurs auront tendance à angoisser peut-être un peu. Ouais. Si vous êtes sûr d'y aller, achetez votre place, comme ça moi ça rassurera un peu les organisateurs, parce que c'est vrai quand on regarde un peu les groupes qu'il y a là-dedans, il y a un peu de pognon en jeu. Et c'est marrant parce que moi, un concert comme ça, j'avais l'impression que ça allait être pris d'assaut, mais non, pas du tout. Bon. Bah, j'étais le premier étonné quand on m'a dit que ça avait du mal à, alors, c'est tout. À décoller. Qui a été pris d'assaut aussi? Bah, c'est les zapatistes, enfin les néo-zapatistes dès le début 1994. C'est une rébellion. Je mets ma main sous ma tête. Donc j'arrête. Donc c'est les zapatistes de 94. C'était quand les quasiment, enfin, tous les peuples indigènes qui habitent encore au sud du Mexique, on avait un peu marre d'être traités comme des merdes et qu'on leur envoie l'armée à tout propos. Et puis en plus de ça, bah, d'être sous la férule de gros propriétaires terriens. Rien n'a changé depuis le 18e siècle au Mexique, enfin dans pas mal de parties du Mexique. Donc à un moment, il y a eu une rébellion qui a été en plus qui a été mise en place progressivement sur l'année 92-93. Ils ont préparé une belle déclaration de guerre, mais un truc très très structuré. D'ailleurs, on peut encore trouver pas mal de ces textes-là traduits dans quasiment toutes les langues du monde sur les internets. Une déclaration d'indépendance, en fait, entre autres, l'État du Chiapas, vu que c'était là l'épicentre, c'est un État au sud du Mexique, donc. La déclaration de guerre et d'indépendance a été proclamée le 1er janvier 1994. Et puis suite à ça, il y a eu une rébellion qui dure depuis ce temps-là. Donc ça fait 30 ans, quoi, hein, les gars. Avec des hauts et des bas, pas mal de gens qui ont été trucidés, un peu comme Zapata. D'autres qui ont été foutus en tôle, d'autres qui ont été aussi virés du Mexique, qui ont dû aller chercher refuge ailleurs. Il y en a quelques-uns qui se trouvent en France actuellement. Mais il continue d'y avoir toujours de la rébellion, vu que de toute façon, l'État, même si maintenant il est passé un petit peu plus à gauche, ça reste un État capitaliste, et donc sous les ordres des capitalistes. Quoi. Pas la France. Ah, voilà. Aussi, la France aussi. Ouais. Non, mais... ouais, qu'est-ce que tu veux me faire dire ? Je ne dirai rien. Il se réfugie chez les capitalistes. Bref, et du côté musical, il y avait aussi à ce moment-là, donc dès je crois que février ou mars 94, il y a un groupe dans ces coins-là du Mexique, un groupe punk qui a fait connaître son nom, mais on savait pas trop qui était derrière. Il se faisait appeler Revolution X avec un C, vu que c'est de l'espagnol, hein, Revolution. Et ils avaient sorti un premier 45 tours sur 4 labels français. Il y avait Anger, le truc de Macario, là. Tu connais Macario ? Non ? Il y avait le label de Cochise aussi, toute une série de gens comme ça. Et puis ensuite, ils ont fait un deuxième 45 tours l'année suivante sur le label de Martin Sorondegui, le gars de Los Crudos et de Limp Priest. Vous connaissez ? Je connais les groupes, mais pas le mec. Voilà. C'est un gros activiste qui bouge beaucoup pour tous les hispanophones qui sont réfugiés aux États-Unis, puis pour en fait tous ceux aussi qui sont dans les pays colonies des États-Unis, donc au sud des États-Unis, dont le Mexique. Revolution X, il y a eu beaucoup, nous dit-on, enfin, c'est encore, on peut encore trouver ça, ce commentaire sur le site du label Anger. Merde, où est-ce que j'ai foutu mon texte là ? Hop, là. On peut encore trouver ce commentaire-là sur le site du label Anger. Il y a beaucoup de légendes urbaines qui existent et de rumeurs qui existent sur ce groupe-là. Qui était-il ? D'où il venait ? Enfin bref, toujours est-il que c'était des gens qui étaient proches, voire qui faisaient partie de la rébellion zapatiste, née aux zapatistes de la fin des années 90. Voilà quoi. Et puis il nous reste, on ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus par contre. Peut-être qu'ils ont dû un peu aller se réfugier ailleurs qu'au Mexique, parce que vu que là-bas, quand même, tu te prends des balles pour un peu n'importe quel prétexte. Voici, sans plus tarder, Revolution X avec deux titres issus de leur premier 45 tours, que d'ailleurs j'ai perdu, je ne sais pas où il est. Me l'aurait-on piqué ? C'est toi, ça ? Non, pas de chance. Le premier CD, c'est à LNS, ça veut dire... Non. Hein ? Non, pas du tout. Non. Enfin, quoi que j'en sais rien. Le premier CD, c'est à LNS, ça veut dire Armée Zapatiste de Libération Nationale, mais en espagnol. Et le deuxième, c'est Quiero ser tu esclavo. C'est ce qu'ils disent aux Américains qui viennent chercher des esclaves au Mexique. Je veux être ton esclave. Premièrement, donc, et c'est à l'aîné qui recèle la dernière fois qu'on m'a dit ça. Par J'étais tout nu. Révolution X. Si ça démarre. Sí. en fait, peut-être que mon disque, il est au milieu des disques américains. On va savoir. Lui aussi, il a émigré. Bref, je chercherai. Ça va, Gaël ? Ça va, ouais. J'ai envoyé une photo à ma maman. Bah, t'as raison. Bonjour, madame maman. C'est à moi. Okay. Ouais, bah, si tu veux. Moi, je vais passer à un groupe qu'on a déjà passé plusieurs fois, je pense, ici, c'est Camellia Sinensis. Non, jamais. bon, c'est un groupe lillois qu'on ne présente plus trop. Je les ai revus lundi soir dernier en concert et c'était vraiment très chouette. C'était vraiment très chouette, un lundi encore bien rempli au CCL. Oh, super. Bon. Et il y a Vincent Bergeron qui a fait des petites vidéos. Il y a deux morceaux de Camellia qui sont vraiment cool, qu'il a mis en ligne il n'y a pas très longtemps. Sur YouTube. Je sais pas s'il a mis sur YouTube, je les ai vus passer sur Instagram, mais peut-être qu'ils doivent être sur YouTube, je sais pas. Ouais. Ok. Mais du coup, j'ai mis le morceau Cœur plein de Camellia Sinensis. Et voilà. Désolé, c'est ma faute. Oui. Bah, c'est vrai, c'est très très bien, Camellia Sinensis. Oui. Allez, il y a un de mes contacts Facebook, Alexis Bacassable, qui s'est expatrié à Berlin et qui a sorti une cassette il y a peu. Une démo de trois titres enregistrés en avril, soit il y a maximum 10 jours. Ça a été enregistré à Berlin. Et c'est déjà sur Pyongyang City Rockers. Ça joue demain pour leur premier concert avec Enemic Interior et le 22 mai encore à Berlin avec Puffer. Et là, c'est maintenant sur Radio Campus Lille, Clavo avec le titre. Clavo ? Non. Ah ouais, Clavo. Avec le titre. Avec le titre, je sais plus quoi. Familiar Foes. Voilà, Familiar Foes. C'est bon. C'était mon titre. Allô, j'ai rien dans mon casque, c'est bizarre. T'entends rien. Non, c'est vrai qu'on entend mieux dans celui-là. Ouais. Donc c'était mon titre pas punk de la soirée, quoique peut-être tout à l'heure il y en aura un deuxième. C'était Deutsche Amerikanische Freundschaft, vu que l'autre fois tu m'en avais parlé, du coup je me suis retapé une petite écoute de tout ce que j'ai de eux, c'est-à-dire à peu près tout. Et là c'était Muscle. Car ils aimaient les muscles. Muscle, voilà. Muscle en anglais. Et ça c'est la version de 81 sur leur premier album. Ah oui, voilà. Je fais aussi beaucoup au début des années 80 en ce moment. Voilà. Bonjour. C'est à moi. Ah ouais, c'est à moi. On a changé de tâche, je suis perturbée. Je vais mettre Famille d'accueil. C'est un groupe de punk hardcore parisien, ouais, avec bien, notamment le guitariste Mondragon. Et c'est chanté en polonais, en anglais et en français. Et ils ont sorti une première cassette en octobre 2022 chez Yoyodine Records. Yoyodine. Et elle choisit le morceau Abattoir. Ouais, c'était bien, on les avait vus au Cirque Électrique, maintenant je m'en souviens. C'est pour ça que le nom me disait quelque chose. Il y a une masse là dans les écouteurs, c'est même pas la peine. Il y a un truc, c'est bordel. Ah merde, j'ai pas le droit de le dire à l'antenne. On va parler des problèmes techniques, ouais, Stéphane. Faut pas parler des problèmes. Il y a aucun problème technique à Radio Campus. Tout va bien. Voilà, c'est une radio pirate. Voilà. Et il est 19h35 minutes. 37, 36, 37, 36. Allez, choisissez votre heure. 20h36. Ou alors 21h35. 38, là. 38, ouais, allez. Et nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Je vais une fois de plus être light niveau description. Ah ouais, qu'est-ce que t'as fait? Parce que je sais pas d'où ils viennent. Et ils existent depuis je sais pas quand. Du Mexique? Tout ce que je sais, c'est qu'il a sorti une cassette pochette bleue avec 5 titres dessus, que le groupe s'appelle The Dogs. Alors va chercher des informations sur un groupe qui s'appelle The Dogs. Il y en a plein. La cassette s'appelle Dog Shit. Même en tapant ça, tu trouves rien. Hop. Et elle semble être autoproduite. Alors je vous laisse l'adresse, comme ça vous pourrez au moins l'écouter. C'est thedogspunk.benkem.com. Et le morceau, c'est Quasi. Oi. Ils ont eu des mots, il me semble. Voilà. Ouais. Alors, c'était The Dogs. Si jamais vous avez plus d'informations, 03 62 26 89 18, ou vous nous envoyez un mail sur... Moi, je serais vraiment intéressé pour choper une cassette ou en savoir un peu plus, quoi. Mais, c'est ils vrai ont que sur la Bandcamp, il n'y a rien du tout. Il y a juste écrit quand c'est paru, mais il n'y a rien punk, du tout. Punk, pas de ville. Ouais, c'est des vrais punks. C'est unique, quoi. Et tu vois la pochette, enfin, l'image qui représente la pochette, tu vois que c'est un truc bien, bien DIY. Hein. Et quand tu tapes, toi, genre, le nom du groupe, le nom de la cassette et le nom d'un morceau, bah, tu tombes que sur le Bandcamp. Et t'as rien d'autre. Et même sur information. Discogs, c'est rien. Rien. Rien, si je te dis, c'est des abattistes mexicains. Et ils se cachent. Et je sais même pas comment je suis tombé dessus. Je m'en rappelle plus. Bon. Peut-être en fouillant Bandcamp, des fois, mais c'est dans les nouveautés. Il y a des fois, je vois des contacts, je me dis, j'aime bien ce qu'ils écoutent en général. Je mets en favori et j'écoute quand j'ai le temps. Et je sais plus où chez qui j'ai pompé ça. Voilà. En tout cas, à toi qui m'as fait découvrir The Dogs, merci. Oh, trop bien. T'as vu, on met des messages personnels, on n'a pas le droit normalement non plus. Hein. Bah, message personnel à un inconnu ou une inconnue. Et ben, ce qui est interdit aussi de faire, c'est de présenter quelque chose dont on n'a rien à dire. C'est mon cas. Et donc, mais nous, à PCR, on chute dans. Mais je vais quand même un peu combler, vu qu'on a besoin de parler un petit peu dans cette émission. Si on passe que de la musique, ça sera plus Pion Gangsta Rockers. Vous êtes bien d'accord. Et donc, voici Louis Ling and the Bombs dans mon fil rouge de la soirée, le zapatisme, où ils, je sais pas, apparemment ils aiment bien les zapatistes, le zapatisme et tout ça. Et donc le titre, c'est Zapatista, et c'est quand même pas récent, hein, ça date d'il y a une bonne quinzaine d'années maintenant, avant qu'ils passent dans différents lieux de la métropole lilloise, vu qu'on les a déjà vus à plusieurs endroits. Personnellement, c'était, me semble-t-il, au DIY. Il me semble que c'était ça. Ouais. De souvenirs, ils sont passés aussi au Bobble et au Bratka. J'ai vu aussi la Bratka. Au Rockin' Mélantois. Ouais, Rockin' Mélantois, bonsoir. Voici donc Louis Ling and the Bombs avec Zapatista, avec le bon accent français. Vous allez écouter ça. Zapatista. Zapatista. K.O. pas O. Zapatista. Zapatista. We'll be right back. Basta! Il parle, monsieur. Voilà. Voilà. Ya basta! Il me semblait que c'était à Céliane, non, c'est à moi, c'est... je ne sais plus. Non, c'est à moi. C'est plus chemin. C'est ça. Alors. C'est à moi. Moi, je vais mettre Traumatizer. C'est un groupe de punk-hardcore 10 bits hollandais. Avec des membres de Asbest Boy. Je pense que c'est okay. De là que j'ai trouvé. Je l'avais noté, mais je sais plus pareil d'où je l'ai trouvé, mais je pense que c'est de ça. On sait pas où on trouve nos trucs. C'est un groupe qui est tout nouveau, qui vient juste de sortir un 6 titres, qui est en 7 pouces, qui est disponible chez Discos Infernos, c'est un label barcelonais. Mmh. Et c'est des morceaux qui sont bruts et trash, et il n'y a pas du tout de moment de répit. C'est genre, t'écoutes les 6, tu respires pas, quoi. Bon, donc ça va couper sec, alors. Et donc, en concert, ouais. Ils font un truc qui dure 10 minutes, quoi. Ouais, je pense qu'il y a moyen. Bon, d'accord. Donc, j'ai choisi Really Sphere de Traumatizer. Oh non. Ça va, ça n'a pas coûté, ça n'a pas coupé sec. Pas trop sec. Ils font ça bien quand même. Ouais, c'est des Néerlandais, hein, ils ont les moyens. Traumatizer. Ouais, ça fait un peu nom de groupe métal, un peu. Non ouais, allemand. Ah bah, vu la pochette, ouais. Ah ouais, bon, d'accord. C'est la mode en ce moment, je sais pas, mais tous les logos de groupes, même très hardcore, ils ont des espèces de machins, on dirait des aiguilles, ouais. Un petit peu coulants ou avec des picots. T'sais. Les picots ? Bah ouais. C'est plus le hardcore qu'avant, où ils avaient des noms, c'était écrit en gros, gras, tac, monstrueux, tu vois. Fini tout ça. Oui. Moi, j'écoute pas de hardcore. Bon, ouais, c'est tout. Allez, Fulmine, la foudre. C'est le nouveau projet de Lucas, un mec que j'ai croisé à Catane lors d'un concert de Rix. Et ben maintenant, il habite à Londres et il a un groupe là-bas qui chante en italien. Alors, je vous lis la description qu'il y a sur la page Bandcamp du label La Vida es un Mousse. Exact. Le premier 7 pouces, 6 titres de Fulmine, un masterclass international de skinhead par des copains de beuverie. Le groupe composé de Lucas, Sammy, Alex, Joe et Chubby Charles, de Chubby and the Gang, Crowncord, Violent Reaction ou encore The Chisel. Encore un qui est partout. Alors, ils sont rendus dans le studio First Brain et ils ont sorti 6 titres en autant d'heures sans la moindre répétition. Le son est très basique, brut et intense, avec des paroles incendiaires. Il s'agit d'une véritable oi italienne mid-tempo, avec des basses croustillantes et un chanteur qui mâche du verre pour obtenir ce son authentique de gravier. Pensez à Basta, Nabat, Decibelios... ou encore Ocho Bolas. C'est tellement bon qu'ils auraient pu sortir chez CIS Records dans les années 80. Alors merci Dipple pour cette traduction plutôt correcte. On va écouter dans le PCR Fulminé avec le morceau. Je sais plus le morceau. C'est Randaggio. Ah oui, Randaggio. Pardon. C'est fini. Ah ouais, déjà ? Zut ! Vous écoutez Pyongyang City Rockers, il nous reste allez, encore 9 minutes à passer en votre compagnie. Ensuite, ça sera JD avec Teeth Grinder. Encore après, il y aura B-Boy Bouillabaisse. Je vous donne les noms des émissions qui vont passer après. Hein. Et puis, à la fin, ça sera la fine équipe de ce soir. C'est occupé pour finir la soirée sur Campus. Pour l'instant, je passe un truc qui va passer ce vendredi. À partir de 21h et jusqu'à minuit, il y aura un live avec les Lucky Devils qui vont présenter des titres de leur album qui sort incessamment sous peu et peut-être même avant. Les Lucky, c'est quand même un sacré bout de temps qui traîne dans le milieu à la fois psycho et puis aussi punk, hein, et voilà. Et puis bah donc ils seront ici à l'antenne de Radio Campus, on pourra les écouter et ils seront en live dans le hall ici à côté du studio. Donc les gens qui veulent venir les voir, ils peuvent venir, mais je vous rappelle qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc vous pouvez aussi rester chez vous pour écouter ça de manière beaucoup plus confortable, n'est-ce pas ? Les voici donc avec un vieux titre qui date d'il y a plus de 10 ans. I'll keep on rocking when I'm dead. Je ne sais pas pourquoi je me sens concerné. En tout cas, voici Lucky Devils. I keep on rocking when I'm dead. England is a bitch. England is a bitch. C'est bien. Bitch. When me just come to London town, used to work on the underground, but working on the underground. C'est pas toi qui as donné. On va parler. Ouais, ça cause dans le studio pendant que Linton Cousy Johnson chante In England is a Beach. Je sais pas du tout. Ça parle pas de Mexique, je sais pas. On cherchait un reggae de fin qui dure assez longtemps. Et c'est les Zapatistes aussi qui jouent là, je crois. Peut-être, oui. Les Zapatistes, mais de la banlieue londonienne. Voilà. Jamaïcain. England is a Beach. Putain, ça date aussi, ça. Bon, bref, on va arrêter de remuer les vieux souvenirs. Ça va du plaire à tout le monde, la sortie du titre. C'est là, non. Et il est plutôt mal vu, hein, le garçon. Si, c'est quelle année, ça? C'est les années 70? 79, je crois. 80. Ouais. Il y a dû avoir de la baston. On se retrouve la semaine prochaine pour Pyongyang City Rockers numéro 334, vu que ce numéro 333 est fini. On se retrouve avec une équipe amputée de ses plus éminents membres. Ils vont partir en villégiature au Mexique. Mais on les retrouvera rapidement. Voilà. Ça va, Gaël? T'as un truc à dire? Bah non, j'attends que tu lances la fin. Ah, je vais pas dire à la semaine prochaine, puisque moi je serai pas là. Bah, tu peux dire dans 3 semaines. Donc, ou peut-être dans 2 semaines, hein, non? Dans 3 semaines. Non, dans 3 semaines. Ouais. Donc, à la semaine prochaine pour ceux qui sont là, dans 3 semaines pour ceux qui reviendront. Oh, on va revenir avec du son. Ouais, du son mexicain. Super. Et en attendant, on n'oublie pas. À cab. Well, me do day work and me do night work. Me do clean work and me do dirty work. Them said that black man is very lazy. But if you see how me work, you would have said me crazy. England is a bitch. There's no escaping it. England is a bitch. You better face up to it. Them have a little factory up in a broccoli. In a this year factory, all them do is pack crack. For the last 15 years, them get me labor. Now after 15 years, me fall out of favor. England is a bitch. There's no escaping it. England is a bitch. There's no running away from it. Me know I said them have work. Work in abundance, yet still, they make me redundant. Now at 55, me getting quite old, yet still, them send me figure draw door. England is a bitch, there's no escaping it. England is a bitch for true, is where we are got to bow to.